Il est 18h sur Radio Dio et c'est l'heure de l'émission du Grémos. Bonjour à toutes et tous, Karine Pétel au micro, bienvenue pour cette nouvelle émission du Grémos du mercredi 12 novembre 2025. Alors l'émission d'aujourd'hui sera la troisième et dernière d'une série consacrée à la présentation des 8e rencontres d'histoire ouvrière de Saint-Étienne que le Grémos a programmé pour les jeudis 4 et vendredi 5 décembre 2025 et qui s'attacheront à étudier le grand mouvement social de l'automne 1995. Ces journées auront lieu dans l'amphithéâtre du DEPT, 77 rue Michelet à Saint-Étienne, et tout le programme détaillé est à retrouver dès demain sur notre site internet www.gremos.fr. Dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui, nous allons vous présenter le programme et les intervenants de ces journées. Je serai accompagnée pour cette émission de trois membres du Grémos, Caroline Costil, Serge Proust et Jean-Michel Stenner. Bonjour à tous. Bonjour à tous. En guise d'introduction, Serge, pourrais-tu nous présenter un petit peu les grandes lignes des événements de 1995 et les objectifs de ces huitièmes rencontres ? Bien, donc assez rapidement, au risque du schématisme, il faut bien voir que les grands mouvements de novembre et décembre 1995 s'inscrivent dans une série de paramètres. Le premier, c'est à la suite, disons, d'une grande déception provoquée par les dernières années du mitterrandisme, l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République autour d'une thématique maintenant bien connue de lutte contre la fracture sociale. Je rappelle qu'en 1993, par exemple, dans la retraite dans le secteur privé était passée à 40 annuités. Donc ça c'est un premier phénomène, c'est-à-dire que Chirac est élu sur une série de promesses. Mais ces promesses vont vite être entre guillemets trahies, au sens où probablement que Chirac et le Premier ministre Juppé mettent en place des politiques qui sont constitutives d'un gouvernement de droite. Et donc ces nouvelles politiques ont plusieurs aspects, mais touchent d'une part aux différents régimes de retraite. Alors soit la retraite générale, notamment des fonctionnaires, où il était prévu qu'on augmente aussi les annuités nécessaires. Et puis aussi, il était question de transformer les régimes spécifiques des cheminots, par exemple. Et dernier aspect du plan, ce qu'on appelait le plan Juppé, c'était une modification de la gestion de l'assurance chômage, et notamment le fait que l'assurance chômage, le budget de l'assurance chômage allait être défini par un vote parlementaire. Donc cette série de projets de réforme ou de contre-réforme, comme disent certains, va enclencher toute une série de mobilisations qui vont s'étaler sur un mois et demi. Bien, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mobilisations ne sont pas isolées. D'une part, il y a un ensemble de luttes étudiantes et il y a aussi toute une série de mobilisations féministes du fait notamment que, disons, les courants les plus réactionnaires de la droite, notamment autour de Christine Boutin, proposaient de revenir sur l'autorisation de l'IVG. Et enfin, le dernier élément, c'est que cette mobilisation intervient dans un contexte difficile, disons, pour les différentes forces de gauche. D'une part, il y a une crise de la gauche, l'effondrement du PC, en partie lié à l'effondrement des pays communistes, et d'autre part, une crise profonde du PS, qui n'avait jamais été un parti véritablement social-démocrate, mais qui est accusé de tourner de plus en plus vers une forme de social-libéralisme. Et autre élément, c'est la crise du syndicalisme, c'est-à-dire que Si autour des années 68, il y a ce qu'on a appelé une insubordination ouvrière, dans les années 80 et 90, il y a des luttes sociales, mais qui sont des luttes défensives, en quelque sorte. Hein. Et elles sont en particulier défensives, parce que d'une part, il y a une baisse de l'influence des syndicats, de manière générale, et plus particulièrement, une crise de la CGT, qui est dans une logique de perte d'autonomie, d'hégémonie, pardon, hein, et notamment liée à la crise du communisme, et ensuite une crise interne à la CFDT, qui elle aussi voit cette crise du syndicalisme, mais qui s'oriente vers une nouvelle stratégie qu'on a appelée la resyndicalisation et qui est l'objet de tensions internes. Donc voilà, hein, c'est un peu le cadre général dans lequel vont intervenir ces mobilisations. Et notre projet, c'est de revenir sur cette période, d'une part en s'appuyant sur les analyses universitaires et aussi d'autres, et en revenant sur la mémoire actuelle de ces mobilisations. Parfait, merci Serge pour cette introduction. Donc maintenant, on va un petit peu présenter on va rentrer dans le vif du sujet et dans la présentation du programme. Et je vais donner la parole à Caroline qui va commencer par présenter les interventions du jeudi. Donc Caroline, peux-tu nous présenter le premier intervenant, s'il te plaît ? Alors, le jeudi 4 décembre, à 9h15, Gilles Richard présentera une intervention intitulée « 1995, fin du mitterrandisme, le brouillage du clivage gauche-droite ». Gilles Richard est professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Rennes, puis à l'université Rennes 2, et membre du laboratoire AREN, UMR, CNRS 6051. Il est aussi président de la Société française d'histoire politique depuis 2019, spécialiste de l'histoire politique de la France du XXe et XXIe siècle. Gilles Richard a dirigé 14 ouvrages collectifs et contribué à 65 autres. Il est notamment auteur d'une histoire des droites en France de 1915 à nos jours, chez Perrin en 2017, réédité et augmenté en 2023 chez Tempus. Donc Gilles Richard, tu viens de le dire, tu es un spécialiste des partis de droite. Il a notamment étudié dans sa thèse d'État le Centre national des indépendants et paysans, dont une des figures majeures n'était autre que le maire de Saint-Chamond, Antoine Pinet. Alors c'est un disciple de René Raymond avec lequel il a fait sa thèse et il a critiqué, comme tous les disciples qui se valent, le schéma de son maître, le fameux schéma tripartite que tous les étudiants d'histoire ont retenu, une droite légitimiste, une droite bonapartiste, une droite orléaniste, et pour lui substituer un schéma en deux tendances aujourd'hui, une droite libérale et une droite gaulliste, d'abord de 45 à 74, puis une droite libérale et une droite nationaliste à partir de la percée du Front National, c'est-à-dire à partir des élections européennes de 1984. Les trois cohabitations, qui sont quand même des événements importants qui préfigurent un peu le climat qu'on va vivre, celle de 86-88, celle de 93-95, et puis celle qui va les suivre, celle de 95-2002, et le renoncement de la gauche mitterrandienne à incarner l'alternative au néolibéralisme, que représentaient l'UDF et RPR, aboutissent à une remise en cause du clivage gauche-droite, comme l'a sous-entendu Serge, parce que le Parti socialiste glisse de plus en plus vers une forme de social-libéralisme. Donc c'est un clivage qui a été structurant dans toute l'histoire de la République et qui est aujourd'hui remis en cause. Et c'est ce clivage qui est aujourd'hui au centre de son étude des droites. Donc son intervention sera d'autant plus intéressante qu'elle porte justement sur un des moments clés de ce basculement d'un clivage à l'autre, avec un élément qu'on pourrait ajouter à tout ce que tu as dit, Serge, c'est-à-dire le débat qui est lancé depuis un certain nombre d'années, mais qui s'accélère, à savoir la question de l'Europe, avec les accords le traité de Maastricht, et puis la préparation de la mise en place de l'euro. On est en plein dans ce contexte. Alors, la deuxième intervention donc, aura lieu à 9h45 et sera une intervention de Michel Zancarini-Fournel qui présentera l'intervention suivante, regroupement et fracture dans le mouvement social. Donc Michel Zancarini-Fournel est historienne à l'université Claude Bernard Lyon 1 et au laboratoire Lara. Elle est rattachée au laboratoire Lara. Et Michel Zancarini-Fournel a consacré ses travaux à l'histoire sociale et à l'histoire des femmes. Et parmi de nombreuses activités, elle a été membre du comité de rédaction de la revue Clio, Femmes, Genre, Histoire, co-directrice de numéros et rédactrice de comptes rendus. Elle a réalisé sa thèse qui s'intitule « Parcours de femmes, réalité et représentation, Saint-Étienne 1880-1950 », qui a été écrite avec l'historienne Mathilde Dubesset et qui a été publiée au PUL en 1993. Et cette thèse donc illustre ce double tropisme histoire sociale, histoire du genre. Voilà. Oui, alors, Michel Zancarini, d'abord, on va rappeler qu'elle est membre du Grémos. C'est une historienne stéphanoise et c'est une historienne qui a souvent, comme sa thèse le montre, privilégié les travaux collectifs. Alors ces deux axes que tu as signalés, on peut, parmi sa nombreuse bibliographie, signaler d'une part « Le siècle des féminismes » publié en 2004, un livre qui s'appelle « Lutte des femmes, 100 ans d'affiches féministes » avec Biblia Pavard chez Les Échappées en 2013, un livre d'une histoire du féminisme, « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féministes de 1789 à nos jours, toujours avec Bibia Pavard plus Florence Rochefort en 2020. Et pour le volet social, bien, j'aimerais signaler qu'elle a beaucoup travaillé sur mai 68. C'est une grande spécialiste de ce temps fort de notre histoire contemporaine. Elle a notamment publié les années 68, le temps de la contestation, avec Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Franck et Marie-Françoise Lévy. Et puis 68, une histoire collective avec Philippe Artière en 2008 à La Découverte. Et son grand œuvre est peut-être, sans doute, Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, une histoire de France par en bas, à travers les combats de nombreux révoltés. Enfin, je voudrais ajouter que, historienne engagée, Michel Zancarini-Fournel est aussi une chercheuse engagée, comme en témoigne l'ouvrage qu'elle a écrit avec Claude Gauthier, dont le sujet est devenu particulièrement brûlant dans le contexte de post-élection de Donald Trump, de la défense des savoirs critiques quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche, paru à La Découverte en 2022. Et donc, elle nous fera un tableau de la situation syndicale et du mouvement social en 1995. Alors, après Michel Zancarini, ce sera Elisa Steher qui présentera une intervention intitulée « Les partis de gauche et le mouvement social en 1995, un rendez-vous manqué, 1995-1997 ». Agrégée d'histoire et doctorante contractuelle à Sorbonne Université, Elisa Steher termine sous la direction d'Olivier Dard et Noéline Castagnès une thèse intitulée « La gauche plurielle au pouvoir, une coalition gouvernementale à l'œuvre 1997-2002 ». En 2021, elle a déjà publié « La genèse de la gauche plurielle 1993-1997 » tiré de son mémoire de master. Mémoire avec lequel elle avait obtenu le prix de la Fondation Jean Jaurès en 2018. Alors, par gauche plurielle, il faut expliquer un petit peu ce qu'on entend. C'est donc. D'abord, c'est intéressant, c'est que c'est ce qu'on appelle la troisième cohabitation, qui, à la différence des deux autres, est une cohabitation avec un président de droite et une coalition de gauche. Et donc, elle désigne l'alliance de cinq partis de gauche. Le Parti communiste français, le Parti socialiste, le Parti radical de gauche, le Mouvement des citoyens et les Verts, donc qui ont gouverné la France sans discontinuer entre 1997 et 2002. Avec évidemment une forte prépondérance du Parti socialiste, 242, mais il n'était pas majoritaire à lui tout seul. Avec quatre autres partis, pardon, il obtient donc 319 sièges, c'est-à-dire une majorité sensible à la Chambre des députés. C'est Lionel Jospin qui a été nommé Premier ministre par Jacques Chirac. Et cette gauche plurielle, elle a quand même marqué aussi l'histoire et la mémoire contemporaine, puisque c'est elle qui a instauré les 35 heures, qui a créé un pacte d'emploi jeune de plus de 700 000 dans le secteur public ou parapublic, qui a aussi instauré le pacte, la CMU, la couverture maladie universelle, et le pacte de solidarité, pacte civil de solidarité, le PACS. Et j'ajoute que cette gauche plurielle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, intervient à l'époque où on est en train de négocier les accords européens pour la création de l'euro, et que cette gauche plurielle avait dans son programme annoncé qu'elle refuserait de signer le traité d'Amsterdam à moins que les négociations portent davantage sur un traité social européen, à l'échelle européenne. Et je dois dire que la situation actuelle nous montre qu'il aurait peut-être été intéressant que ce pacte soit effectivement renégocié. On va peut-être faire une petite pause. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Vous êtes sur Radio Duo dans l'émission du Grémos, émission dédiée aujourd'hui à la présentation des 8e rencontres d'histoire ouvrière de Saint-Étienne. Bien, nous venons d'entendre Zombie des Cranberries, qui fut un grand succès des années 90. Et Karine, tu vas donc nous présenter l'intervenant suivant. Exactement. Donc, pour la dernière intervention donc, de cette matinée du jeudi, et à 11h15, nous entendrons Hervé Le Fiblec, qui présentera une intervention intitulée « Le mouvement social de 1995, une recomposition dans l'action du syndicalisme enseignant ». Et Hervé Le Fiblec est président de l'Institut de recherche sur l'histoire du syndicalisme dans les enseignements du second degré, organe de formation syndicale et de recherche fondé par le SNES en 1985. Il participe à la réalisation d'un dossier pour les cahiers d'histoire sur le thème marxisme et éducation avec le groupe animé par André Robert, Yves Verneuil, Pierre Kahn, qui a présenté ses travaux lors d'un colloque tenu à Lyon à l'automne dernier. Colloque qui sera publié et pour lequel Hervé Le Fiblec rédigera l'introduction générale. Ses travaux sont centrés sur l'histoire du syndicalisme enseignant, envisagé comme forme de représentation du groupe social des enseignants dans une dynamique de professionnalisation et de lutte pour l'autonomie professionnelle. Il envisage son engagement militant comme point d'observation privilégié de son objet d'étude principal. Alors la question du syndicalisme enseignant est particulièrement sensible, je dirais, dans cette première moitié des années 1990. C'est un tournant majeur dans l'histoire de ce syndicalisme, puisque depuis 1945, le syndicalisme enseignant est un syndicalisme unitaire, ce qui est assez exceptionnel, qui est même, j'allais dire, unique, hein, dans le syndicalisme français. Depuis 1945, donc, le syndicalisme enseignant est dominé par la présence de la FEN, Fédération de l'Éducation nationale, elle-même héritière d'une ancienne Fédération Générale de l'Enseignement, créée en 1930. Et la FEN, donc, qui va progressivement disparaître dans les années 1990, j'y reviens tout de suite, est aujourd'hui un peu représentée comme son héritière, et plutôt dans ce qu'on appelle l'UNSA Éducation. Alors, je pense que c'est important de rappeler que cette histoire d'unité, puisqu'en 1948, au moment de la scission entre la CGT et CGTFO, la FEN avait choisi l'autonomie et réussi à préserver cette unité en reconnaissant l'expression officielle de courants de pensée organisés en tendance. C'est cette pluralité de la FEN qui fait un élément original du syndicalisme français et son succès, puisqu'au début des années 70, elle revendique jusqu'à 550 000 adhérents, c'est-à-dire une forte majorité des enseignants, et c'est sans doute le métier qui est le mieux, qui a le taux de syndicalisation le plus fort, avec le livre. Jusqu'à maintenant encore. Oui. Enfin, il faut, je reviens sur l'unité, si tu permets. Ce qui se passe, c'est que au moment de la scission interne à la CGT, c'est-à-dire la scission et faux part, il y a une discussion à l'intérieur de la Fédération de l'Éducation nationale sur est-ce qu'ils vont à la CGT, est-ce qu'ils vont à FO, ou est-ce qu'ils restent dans l'autonomie. Et alors, ils restent, donc la FEN va être autonome, en partie par une décision de la CGT et du PC, qui va demander à ses militants de ne pas adhérer à la CGT, mais de rester à la Fédération de l'Éducation nationale. Ce qui fait que l'Éducation nationale, est, en tout cas chez les enseignants, c'est un des secteurs dans lesquels, historiquement, la CGT a été très, très, très peu présente. Je ne parle pas des personnels techniques, mais il y a eu une décision politique, globalement, du PC, de maintenir la présence des militants du PC et puis proches du PC au sein de la FEN, au prix de la constitution de tendance. L'idée étant probablement de la direction du PC que progressivement, ils allaient prendre le contrôle de la Fédération d'Éducation nationale. Ce qu'ils n'ont jamais pu faire, en réalité. Oui. Alors, je cite les trois tendances principales. Donc la tendance unité, indépendance et démocratie, dite UID, qui est restée très longtemps majoritaire, réputée proche des socialistes. Unité action, donc, dont tu viens de parler, qui est la tendance qui est des militants proches du PCF. Et l'école émancipée, qui est même probablement la tendance historique du syndicalisme enseignant, puisqu'il existait avant la guerre de 14, proche de l'extrême gauche et de l'anarcho-syndicalisme. Alors, c'est vrai que tu as raison, l'Unité Action n'est pas arrivée à avoir la majorité, mais quand même, la tendance était dans ce sens-là, dans les années 80. Et c'est justement ce qui va provoquer l'éclatement, puisque... alors, il y a deux mouvements contradictoires qui sont à l'origine de l'éclatement. D'abord, cette montée en puissance de la tendance Unité Action, et puis la concurrence du SGEN-CFDT. Et qui vont aboutir à l'éclatement donc de cette forteresse enseignante, car il faut rappeler que autour du syndicalisme, il y avait aussi le mouvement mutualiste, la MAIF, la CAMIF, etc. Et donc c'est en deux temps, congrès de Clermont-Ferrand en 91, puis le congrès de Créteil en 92, que on va aboutir à l'exclusion du SNES, qui était un syndicat des enseignants du second degré à majorité Unité Action. Et puis, donc, ces syndicalistes vont sortir de... Enfin, ils sont exclus. Et ils vont créer, donc, la Fédération syndicale unifiée, la FSU. Donc, c'est un champ syndical enseignant bouleversé qui aborde les événements de 1995. Et donc, l'intervention de Le Fiblec va nous permettre de... saisir un peu mieux ces problèmes. Ce qu'il faut. J'ajouterais simplement que les rapports de force, la modification des rapports de force, ils sont aussi liés au fait que, historiquement, la FEN est fondée sur les instituteurs. C'est ça. Et le rapport de force interne à la FEN change avec la massification de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire que le SNES... prend une part de plus en plus importante compte tenu de la croissance relative des enseignants du second degré. Et puis en plus, il y a un autre débat qui est un débat plus pédagogique, c'est-à-dire les gens de la FEN, UID, voudraient développer un système, disons, de la maternelle à la fin du collège. Dans la troisième. Alors que la Unité Action, le SNES et puis les autres syndicats alliés, ils sont plutôt dans une logique de maintenir... le lycée, enfin de faire une unité entre collège et lycée, puisque par exemple les certifiés peuvent aller du collège au lycée. Donc il y a un double débat, une double tension, à la fois professionnelle, mais je dirais aussi pédagogique. Alors, l'intervention suivante, ce sera l'après-midi, cette fois-ci du jeudi 4 décembre. Donc elle aura lieu à 14h15 et c'est Rémi Asmar qui présentera 1995, les enjeux exceptionnels de la mobilisation de Rouen. Les enjeux de l'exceptionnelle mobilisation de Rouen. Rémi Asmar est docteur en histoire des mouvements sociaux et syndicaux de l'Université de Rouen. Oui, Serge, alors, tu peux nous en dire quelques mots ? Absolument. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la mobilisation de 95 donne lieu à une grande production intellectuelle en partie polémique, immédiatement, puisque en 95, on sait qu'il y a une tension interne au milieu intellectuel entre d'un côté, pour aller vite, les gens autour de Bourdieu, et d'un côté, ceux autour de Mélenchon, de Touraine. Dans les deux ou trois ans qui suivent, il y a beaucoup de productions intellectuelles, d'universitaires qui reviennent sur cette mobilisation, mais qui sont pas exactement, mais un peu dans l'histoire immédiate. Soit il y a des productions intellectuelles dans des revues comme L'État moderne, Esprit, etc. Il y a aussi des productions dans des revues plus académiques, entre guillemets, comme par exemple, en 96-97, il y a un numéro spécial de la revue Sociologie du Travail qui revient sur cette mobilisation. Mais, et ensuite, il y a peu de production académique sur cette mobilisation. Alors, il y a régulièrement, dans une série de textes, des références à 95. Parfois, il y a simplement... un petit paragraphe qui fait référence à 95, souvent pour désigner 95 soit comme une étape dans les processus d'accentuation des politiques néolibérales, soit pour montrer l'intérêt, l'importance des mobilisations sociales. Et ce qui caractérise Rémi Azemar, c'est qu'il est au fond le premier à faire un véritable travail de recherche universitaire, hein, puisqu'il a fait sa thèse sur la période 95, et en travaillant énormément sur les archives. Alors, je ne me souviens plus, mais il est allé dans une vingtaine d'archives départementales. Il a rencontré et il a travaillé sur la presse. Il a rencontré un certain nombre de militants, mais son travail est un gros travail archivistique. Hein. On peut peut-être préciser, Serge, que tu l'avais enregistré une de ses conférences du printemps dernier et qu'elle est à retrouver en rediffusion dans les podcasts du Grémos sur le site du Grémos, www.grémos.fr, ou dans les podcasts de Radio Audio. Je le précise. D'accord. Oui, alors, et donc, dans sa thèse, d'une part, il travaille sur la mobilisation, les motivations, les motifs, et un des aspects, qui peut être une dimension assez connue, mais il travaille beaucoup plus aussi sur les modalités d'action et diverses et l'hétérogénéité des groupes. Hein, c'est-à-dire que la mobilisation peut mettre en peut rassembler, alors de manière parfois informelle, un peu en tension, peut rassembler à la fois des militants CGT cheminots et puis des militants plutôt associatifs, plutôt aux marges du salariat, par exemple. Hein. Et les modes d'action vont aussi combiner des formes d'action traditionnelles, la grève, la manif, parfois manif qualifiée de manif train de savate, et va aussi mettre en place, enfin va faire émerger une nouvelle forme d'action et d'organisation qui est la coordination. La période des années 80 et 90, c'est une période au cours de laquelle, en partie sous l'influence du mouvement étudiant ou en partie sur l'effet des carrières des militants des années 90 qui ont connu les formes coordination au moment du lycée et de la fac, hein, cette forme coordination va se développer et va intervenir, y compris chez les infirmières, y compris chez les cheminots, etc. etc. Hein. Ensuite, il va insister sur l'importance sur le fait que les cheminots vont occuper une grande place par l'effet de la médiatisation, mais ce qui va conduire aussi à évacuer un certain nombre de luttes, par exemple dans un certain nombre d'autres services publics, et qui va aussi évacuer l'importance des luttes sociales dans des territoires particuliers. Et c'est pour cette raison que sa communication va être centrée sur Rouen, parce qu'il faut savoir que les mobilisations sur Rouen vont durer jusqu'en mars 1996. Hein, c'est-à-dire que les mobilisations de novembre-décembre enclenchent une dynamique, disons, qui va se poursuivre plusieurs mois, alors qu'au niveau national, sauf exception, eh bien, cette mobilisation s'est, entre guillemets, terminée. Je peux me permettre d'ajouter une chose. C'est que dans le maintien, la durée de cette mobilisation, s'est posé la question de la suppression du siège de la CPAM à Rouen. Et c'est un exemple du début de ce qu'on va appeler les déserts. Oui, la fin des services publics. La services publics. Les services publics dans les petites villes, quoi. Si on considère que Rouen est une petite ville. L'intervention suivante donc sera proposée par Marion Fontaine à 14h45 et elle s'exprimera sur le thème suivant, l'ancien et le nouveau prolétariat, les mineurs de Lorraine et de Provence dans les grèves de 1995. Marion Fontaine est professeure des universités et directrice du département d'histoire de Sciences Po, et ses thèmes de recherche portent sur l'histoire politique et culturelle de l'Europe au XXe et au XXIe siècle. Histoire des socialismes et du mouvement ouvrier, histoire des mines et des mineurs, histoire de la crise des sociétés industrielles, histoire des temps sociaux et des loisirs, notamment les sports. On peut rappeler qu'elle a écrit un livre consacré au club de football de Lens. Bien, donc Marion Fontaine interviendra sur sur la question de la désindustrialisation. Donc souvent, quand on évoque la désindustrialisation, on évoque en particulier, on privilégie les années 70, voire les années 1980. Hein. Par exemple, quand on discute avec un certain nombre de syndicalistes de la métallurgie, eh bien, ils vont souvent évoquer de manière douloureuse ce qui se passe dans les années 1980. Hein. Par exemple, j'ai discuté avec un certain nombre de syndicalistes qui racontaient comment, au début des années 80, eh bien, quasiment, ils vont tous les jours à la préfecture pour essayer de négocier, pour défendre des emplois, pour négocier des manières de sauver quelques emplois, de mettre en place des processus de reconversion, etc. etc. Hein. Bien. Donc, on a tendance à opérer une opposition entre la désindustrialisation dans cette période et les Trente Glorieuses. Alors, ce que fait Marion Fontaine, c'est de montrer que, évidemment, on peut opérer une césure, cette césure, mais en réalité, c'est dès les années 1950 que les processus de désindustrialisation se mettent en place. Et elle travaille sur cette question-là à partir des difficultés des houillères françaises qui ne sont pas vues à l'époque comme l'annonce d'un déclin inéluctable. Et donc, à partir du conflit de Decazeville, eh bien, elle a produit un article qui interroge les perceptions de ce moment de transition par les contemporains. Hein. Et elle souligne les nouvelles questions que les mutations de l'industrie minière font émerger en ce qui concerne les conditions de travail, le statut et la protection sociale des mineurs, les résistances au changement imposées par les industriels et préconisées par le pouvoir politique, et ainsi que les mobilisations ouvrières et syndicales qu'elles engendrent. Et moi, je rappelle quand même que les premières rencontres d'histoire ouvrière qu'on a tenues en 2013, si je me souviens bien, étaient consacrées à la crise dans la région stéphanoise, dans les crises des vieilles régions industrielles. Et on a pas mal abordé cette question déjà le début de la désindustrialisation dans les années 50 à Saint-Étienne. C'était aussi un petit rappel, quoi. C'est quelque chose qui nous préoccupe. Alors, passons à l'intervention suivante. À 15h15, c'est Nicolas Carboni qui présentera une intervention intitulée « Novembre-décembre 1995 à Clermont-Ferrand, étudiants et lycéens au cœur de la convergence des luttes ». Nicolas Carboni est rattaché au laboratoire Chèque de l'Université Clermont-Auvergne. Bien. Donc, Nicolas Carboni va intervenir sur cette phase, ce moment particulier, là aussi pour mettre en évidence le fait qu'on ne peut pas réduire la mobilisation de novembre 95, soit aux cheminots, soit à des luttes dans un certain nombre de secteurs publics, mais qu'il y a d'autres secteurs, et notamment les secteurs étudiants et lycéens, qui sont pleinement mobilisés. Alors, cette intervention va s'inscrire dans la continuité des travaux qu'il a entrepris sur les luttes lycéennes et étudiantes dans la période 1968-1990, hein, parce que pour le moment, l'essentiel de ses travaux porte là-dessus. Et dans son analyse de ces luttes, il met en évidence plusieurs phénomènes. D'une part, le changement des propriétés des étudiants, avec le phénomène de massification des populations étudiantes, notamment dans une ville comme Clermont-Ferrand, avec des processus d'arrivée dans les populations étudiantes de jeunes issus des milieux davantage populaires que ça ne l'était dans les années 50 et dans les années 60. Hein, je rappelle qu'à la fin des années 50, il y a à peu près 3% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat. Et dans cette période, par exemple, à Clermont-Ferrand, il y a deux fois plus de boursiers qu'au niveau national. Cette analyse des luttes étudiantes et lycéennes, c'est aussi de montrer que c'est aussi lié à des modifications des structures universitaires. Bon, l'analyse des luttes est aussi une manière de montrer que les luttes étudiantes sont un espace concurrentiel. Alors, historiquement, les mobilisations étudiantes dans les années 50 et 60, notamment, par exemple, autour de la guerre d'Algérie, sont organisées par l'UNEF, mais qui syndique beaucoup d'étudiants, mais une population étudiante issue des milieux intellectuels, des milieux bourgeois. Alors que progressivement, avec la massification, il va y avoir et des tendances et des conflits politiques, il va y avoir un éclatement des organisations étudiantes de différentes manières. D'une part, il y a une scission à partir des années 68-70, des scissions internes à l'UNEF, entre d'un côté, pour aller vite, des courants proches du PS, des courants proches du PC, notamment autour de ce qui s'est appelé l'UNEF Renouveau au début des années 70, et puis différents courants dits à l'époque gauchistes, hein, dans des phénomènes d'alliance et de concurrence. Par exemple, un des enjeux principaux, c'était le contrôle des AGEC, hein, c'est-à-dire que dans chaque université, il y avait un lieu qui rassemblait les étudiants pour lesquels il y avait des financements, il y avait des moyens, etc. etc. Hein. Et ces luttes sont aussi donc, le lieu de lutte interne à l'UNEF, mais c'est aussi par l'apparition de coordination dont on verra les effets 10 ans ou 15 ans plus tard, précisément au moment de 1995, parce que précisément des fractions de salariés ont été socialisées et politisées dans le monde étudiant dans un rapport plus ou moins critique avec l'organisation étudiante et dans un rapport plus ou moins idéalisé avec la forme coordination. Même si toutes les études montrent que la forme coordination n'est pas vraiment un espace démocratique, hein, puisque au fond, la forme coordination permet de sélectionner des militants qui ont des dispositions sociales très particulières, c'est-à-dire des gens qui ont un capital politique très important, un capital culturel très important, et surtout qui ont des dispositions qui leur permettent, par exemple, d'être capable d'intervenir avec sérieux devant 200, 300, 400, 600 étudiants en assemblée générale. Hein, et c'est une situation qui entraîne des processus sélectifs très forts, y compris en termes de genre. Hein. Très bien, on va faire une petite pause et on revient juste après. On retrouve Jean-Michel, Caroline et Serge. Song from days of yore. sur Radio Duo dans l'émission du Grémos. Émission dédiée aujourd'hui à la présentation des 8e rencontres d'histoire ouvrière de Saint-Étienne. Eh bien, nous venons d'entendre Girl Like You d'Edwin Collins. Et une fille comme Karine va nous présenter l'intervenant suivant. Alors, à 15h45, Léa Drezet présentera une intervention intitulée « Tous ensemble, la mobilisation cheminote dans le mouvement social de novembre et décembre 1995 à Dijon ». Alors, Léa Drezet est étudiante à l'Université Bourgogne-Europe-Dijon et elle est diplômée d'un master de recherche en histoire consacré aux cheminots dans le mouvement social de novembre et décembre 1995 à Dijon sous la direction de Jean Vigreux. En octobre 2024, elle a présenté ses recherches lors de la journée d'études « Démobilisation en Bourgogne, les conflictualités sociales et politiques contemporaines en question » organisée par l'Association française pour l'histoire des mondes du travail, les Annales de Bourgogne, qui publieront cette intervention. Caroline, tu nous présentes l'intervention suivante. Alors, l'intervention suivante, elle sera à 16h15 et c'est Christophe Patillon qui présentera une intervention intitulée « Nantes 1995 dans le chaudron des luttes ». Christophe Patillon est rattaché au Centre d'histoire du travail de Nantes. Il se présente lui-même sur son blog de Mediapart comme historien de formation, lecteur pathologique, militant sans Dieu ni maître, chroniqueur pour Alter Nantes FM et accessoirement vieux punk. Et on poursuivra par une soirée cinéma. Tout à fait. À 20h, à la Cinémathèque de Saint-Étienne, donc qui se situe rue Jogoutfarge, nous vous proposerons d'assister à la projection du film de Dominique Cabrera, Nadia et les hippopotames, donc de 1999. Ce film met en scène la rencontre entre une érémiste en galère avec son bébé et les cheminots lors des grèves de 1995. La projection sera suivie d'un débat. Je peux rajouter que pour ceux qui voudraient voir le film et qui ne pourront pas le jeudi soir, il est rediffusé le vendredi à 14h30. Tout à fait, tu fais bien de le préciser. Il y a deux projections, et une à 20h le jeudi et une à 14h30 le vendredi. Tu as raison de le préciser. On va passer maintenant aux interventions du vendredi. Alors, les interventions du vendredi, la première, c'est toi Jean-Michel qui interviendra sur les municipaux stéphanois en lutte du conflit social aux enjeux politiques. Voilà, donc la troisième demi-journée sera plus centrée sur Saint-Étienne, en tout cas à travers mon intervention. Les municipaux sont très mobilisés pendant le mouvement, même s'ils n'apparaissent pas a priori en pointe. Alors je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par municipaux, parce que c'est a priori une catégorie très large, et voir qu'il y a quand même quelques professions qui sont beaucoup plus en pointe que les autres. Quelles sont leurs revendications? Et en particulier, on verra que le plan Juppé, c'est un peu, je dirais, un prétexte dans leur mobilisation. Mais ils ont des revendications qui sont très ancrées dans le contexte politique stéphanois, notamment depuis le retour de la droite au pouvoir en 1983 et un certain nombre de décisions prises par la municipalité du Banchet. Et donc il y a une dimension politique assez importante, assez intéressante, et voir comment va réagir le nouveau maire qui est l'héritier de Michel Tchollière, qui est l'héritier du Banchet, mais qui va peut-être avoir une autre approche dans les négociations salariales. Et puis donc, à travers tout ça, quels sont les impacts politiques de cette grève, de cette mobilisation? Et j'essaierai aussi de voir un petit peu la mémoire de ces mobilisations, parce qu'elles sont assez importantes, par exemple sous le Front populaire, ou en 1950, ou en 1977, dans le cadre de l'élection de Joseph Sangdols, il y avait une mobilisation des pompiers qui a joué un certain rôle dans le... Voilà ce que j'entends traiter ce vendredi. À 9h30, c'est toi, Serge, qui interviendra pour une communication sur la mobilisation nationale et syndicalisme d'entreprise, une mémoire clivée. Oui, donc cette intervention sera appuyée sur une série d'entretiens que j'ai fait avec des syndicalistes de l'époque, de différents secteurs, des cheminots, des métallos, quelques enseignants, des administrations, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir quelle était la mémoire de ces, qu'avaient ces militants de cette période-là. Or, ce qui m'a frappé, c'est qu'en réalité, la mémoire individuelle de cette mobilisation est très très faible. Soit parce que certains étaient dans des secteurs dans lesquels il n'y a eu aucune mobilisation. Parfois, il n'y a eu aucune mobilisation parce que la question de la retraite ne se posait pas. Exemple typique dans le livre. Hein, comme il y avait des politiques d'élimination, il y avait trop de monde et tout le monde était en pré-retraite, la question de la retraite ne se posait pas puisque à 60 ans, ils étaient déjà, pas tous, mais ils étaient poussés dehors. Hein. Et après, autre élément, autre facteur très important et qui, à mon sens, est beaucoup plus décisif, ce dont les militants ont la mémoire, c'est la mémoire de leur engagement et des luttes sociales qu'ils ont pu mener dans leur entreprise. Ben, luttes sociales pour lesquelles ils ont engagé du temps, de l'énergie, donc pour lesquelles ils ont investi énormément de choses. Compte tenu de l'importance que ces mobilisations ont eues, là, ils ont une mémoire très très forte, très très vive, très très précise. Parfois, ils ont accumulé des archives conséquentes. La mobilisation de 95, ils ont pu y participer, mais ils n'en ont pas de souvenir. Alors, ils ont pu y participer parce que ça s'inscrivait dans une organisation syndicale, parce qu'il y avait des consignes, peut-être parce que même ils pouvaient organiser les transports, retenir des cars, etc., etc. Mais ils n'en ont pas de véritable mémoire. Y compris parce que ça leur échappait. Moi, à certains, quand je leur demandais « Mais est-ce que vous avez des archives ?» ou sur 95, ben là, il y en a un ou deux qui m'ont dit « Allez voir à Saint-Étienne, à l'UD départemental. Hein, » parce que voilà, c'était quelque chose dont ils n'avaient pas la mémoire, dont ils n'avaient pas le contrôle. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a une mémoire entre une mémoire collective très faible, globalement, sur 95, et des mémoires individuelles souvent inexistantes sur 95. Alors, à 10h15, il y aura une table ronde syndicale animée par Michel Zancarini-Fournel avec Bernard Thibault, qui est ancien responsable CGT Cheminot. Puis, qui est devenu secrétaire général de la CGT. Et qui était la figure emblématique et populaire du mouvement. Et émergente, quoi. Hein, ouais. C'est ça qui l'a fait connaître. Mmh. Une autre intervenante, donc Annie Thomas, ancienne responsable nationale CFDT. Jean-Michel Gourgaud, ancien responsable de l'UD CGT Loire, et Yvan Pichon, membre de la FSU. À l'époque, hein, donc il était enseignant dans le second degré, et il a participé, il a bien connu les processus qu'on a décrits de scission, de tension interne à la FEN et de création de la FSU, et la manière dont la FSU a participé pleinement à 95. Et d'un certain point de vue, c'est en 95 que la FSU apparaît véritablement comme une organisation et une organisation confédérée, puisqu'elle rassemble toute une série de syndicats. Et à 11h15, donc une table ronde pour terminer cette matinée, une table ronde politique qui sera animée par Gilles Richard avec Cécile Kuckermann, donc sénatrice de la Loire, Gérard Lindeperg, ancien député de la Loire, Michel Thiolière, qui est ancien maire de Saint-Étienne et ancien sénateur de la Loire. Alors, je dirais que c'est une liste qui n'est pas limitative, on a encore des contacts, mais ce que je voudrais rajouter, c'est d'une part que ces deux tables rondes montrent que l'année est scandée d'abord par un printemps très politique avec l'élection présidentielle puis l'élection municipale et ensuite par un automne très syndical avec le mouvement dont on a parlé. J'aimerais rajouter deux ou trois choses. D'abord que ces rencontres, elles me semblent particulièrement intéressantes et devraient intéresser un grand public. D'abord parce qu'on a invité pas mal de jeunes chercheurs. Bon, on a des chercheurs chevronnés comme Gilles Richard et Michel Zancarini, mais la plupart des autres chercheurs sont plutôt des jeunes chercheurs. D'autre part parce qu'on a une variété de situations et de régions de France. Et puis il y a des manques aussi, il faut signaler. Par exemple, on n'a rien pu trouver sur le mouvement des infirmières qui était pourtant importante. Mais on espère quand même que le public sera nombreux à venir nous écouter. Alors, ce que je peux dire sur les infirmières, c'est qu'en 95, bah, ça, c'est le même phénomène. Moi, j'ai rencontré justement une militante infirmière. Hein. C'est-à-dire, les infirmières, elles étaient capables de me parler des mobilisations avant 95 et après 95. Hein. Et notamment, il y a eu des mobilisations dans les années 80 où, de manière un peu exceptionnelle, a émergé aussi une forme coordination. Elle, elle se souvenait de 95 parce que son conjoint était cheminot. Et donc, évidemment, elle a participé. Hein. Mais pas en tant qu'infirmière, en quelque sorte. Bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, on a fait le tour. On espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci Caroline, merci Serge, merci Jean-Michel. Amis, auditrices et auditeurs, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 4 et vendredi 5 décembre à l'amphithéâtre du DEPT, 77 rue Michelet à Saint-Étienne, pour prendre part aux 8e rencontres d'histoire ouvrière dédiées aux événements et aux mouvements sociaux de 1995. L'entrée sera libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Je signale également que jeudi 4 décembre se tiendra une conférence d'Antoine Vernet intitulée Alexandre Seignolle, 1834-1906, une figure oubliée de l'histoire stéphanoise. Cette conférence aura lieu en fin d'après-midi à 18h, il me semble, à la Diana à Montbrison. Je vous donne également rendez-vous la semaine suivante pour notre prochaine émission radio qui aura lieu le mercredi 10 décembre 2025 à 18h. Nous recevrons Michel Rothenberg, professeur émérite en sociologie et en anthropologie, membre du centre Max Weber, et du Grémos, et il nous présentera son ouvrage « L'imaginaire patrimonial, figure de l'urbanité contemporaine ». Jean-Michel, tu veux rajouter quelque chose ? Eh bien, je voulais rajouter la rencontre qui a lieu le 26 novembre à l'une et l'autre avec Julien Schussville. Je ne sais pas si tu as le texte. Tout à fait. Donc, cette rencontre se fera autour de son ouvrage Retour à Zimmerwald. Et l'historien donc, Julien Schussville, dont tu as parlé, est spécialiste de l'histoire des courants socialistes et communistes en France sous la Troisième République. Et donc, ça aura lieu à l'une et l'autre. Voilà, je le redis. Et le 26 novembre à 19h à la Cale. Non, il est spécialiste du courant, ce qu'on appelle le courant zimmerwaldien, c'est-à-dire des socialistes hostiles à la guerre. Oui, Zimmerwald, c'est la première réunion des socialistes après l'Union sacrée de 14 en France, en Allemagne. Zimmerwald rassemble pour la première fois des socialistes français et allemands et d'autres pays qui sont opposés à la guerre qualifiée de guerre impérialiste. Hein. Et donc, c'est un des premiers... un des moments de réunification ou de tentative de réunification de l'internationale ouvrière qui, justement, en 14, a fait échec. Hein. C'est effondré, précisément. Parfait. Merci pour ces précisions. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée sur les ondes de Radio Dio. Bye bye.